Or, l'histoire se passe aux Indes. Il y a une femme qui s'occupe d'ésotérisme, qui s'occupe d'évolution, et qui, à un moment donné, rencontre deux enfants. Et elle découvre que les deux enfants semblent drôlement intelligents, surtout l'un d'eux. Et elle reconnaît dans l'un d'eux la réincarnation du Christ, de ce qu'elle appelle Jésus-Christ. Étant donné que la famille des deux enfants est extrêmement pauvre, elle arrive à avoir la permission des parents d'adopter les deux enfants et de pourvoir à leur éducation. Elle reconnaît toujours dans l'un des deux, le plus âgé, la réincarnation du Christ. Et elle reconnaît là le Messie qui devait revenir après la disparition du premier Nazaréen. Alors les enfants aiment jouer, ils sont jeunes. Mais elle commence à leur dire qu'il ne faut pas trop jouer. Et elle commence à les instruire, à les éduquer. Et nécessairement, elle a un archétype, elle a une idée de ce que doit être le Christ. Et elle a une idée de ce que doit faire le Christ. Et elle a une idée de ce que le Christ, en tant qu'enfant, devrait exprimer. Alors, elle instruit le Christ pour que le Christ devienne le Christ. Elle dit à cet enfant, Jiddu, qu'il s'appelait, elle dit à cet enfant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il marchait nu-pied, mais le Christ ne marche pas nu-pied. Alors, il marche avec des boîtes, des souliers. Et il s'habillait de telle ou telle façon, mais le Christ ne fait pas cela. Alors, elle habille le Christ. Et elle lui dit même de quelle façon il doit se présenter devant ses fidèles, lorsqu'il sera plus grand. Et elle commence à écrire sur lui, pour préparer les fidèles à le recevoir. Alors, non seulement elle se contente de programmer le Christ, mais elle veut programmer aussi l'auditoire. Et jamais elle ne se rend compte qu'elle se prend inconsciemment pour Dieu, finalement, parce qu'elle veut programmer le Fils de Dieu et les fidèles. Elle continue l'instruction et elle engendre différents ordres, différentes écoles, qui devront tous et qui maintenant attendent tous, avec impatience, que ce Christ devienne grand. Et à un moment donné, le Christ, enfin Jiddu, rentre dans un endroit où il y a 500-600 personnes qui l'attendent et qui l'acclament. Et il leur dit, fermez-vous la dent si vous voulez que je parle. Et là, la personne, après cette réunion, cette conférence, va voir Jiddu, le Christ, et il lui dit, faut pas que tu parles de même, faut pas que tu fasses ça. Tu as frustré les gens. Et elle continue à lui donner des cours de langage, des cours de parole, instruisant le Christ, pour que le Christ devienne le Christ. Et vers l'âge de 30 ans, le Christ, Jiddu, grimpe sur une grande plateforme devant des centaines et des centaines de personnes, sinon des milliers. Et publiquement, il envoie chier tout le monde, et surtout celle qui l'a éduqué, parce que l'une des conditions fondamentales d'un Christ, c'est de ne pas être programmable. Et si on ne peut pas reconnaître le Christ par ce qu'il rayonne, parce qu'on est trop omnibulé par l'idée que l'on se fait de lui, et que pour le reconnaître, on doit le transformer et le sculpter, c'est juste parce qu'on n'est pas digne de reconnaître le Christ. Est-ce que cette personne était le Christ? Non. Elle était christique, oui. Jiddu Krishnamurti. Je vous compte ceci simplement parce qu'il y a des symptômes, il y a des problèmes, à travers l'évolution de tous ceux qui se conscientisent. Et là, des problèmes fondamentaux est de vivre d'un néotype ou d'un archétype qui structure dans la conscience et dans la pensée de l'homme. De quelle façon doit venir l'intelligence? Et lorsque l'être humain a suffisamment accrédité cette croyance, parce que même ceux qui refusent la croyance ont des croyances, lorsque l'être humain a suffisamment digéré cet archétype ou ce néotype, à partir de cet instant, ses yeux se ferment. La partie biologique qui exprimerait le sentiment se ferme aussi. Alors, on va dire son cœur se ferme. Alors, l'individu ne peut reconnaître le Christ qu'à partir de son intellectualisme, à partir de nouveaux concepts, mais il n'est plus capable de raisonner à lui parce qu'il a fermé son cœur. Et quand je dis fermer son cœur, je ne parle pas de l'amour psychologique. Je parle nécessairement de la tendance qu'aurait l'intelligence à percevoir la vie à travers un sentiment, donc à travers une vibration, que j'appelle l'amour intelligent, un amour qui ne fait pas souffrir. Mais l'être humain qui ne vit que du point de vue de l'intellectualisme ne peut pas reconnaître une vibration. Il ne peut en reconnaître que sa coloration ou sa transcription mentale intellectuelle. Et dans la transcription mentale et intellectuelle, étant donné le grand ajustement qu'aura dû subir ce sentiment, cette vibration, l'individu qui vit d'une mentalisation ou d'une intellectualisation avancée ne peut pas connaître la vie. Alors, il y a l'homme, la femme, qui observe une fleur et la mange. Il y a l'autre qui observe une fleur et la trouve belle et la protège. L'évolution continuant, l'autre observe la fleur, la trouve belle, l'accueille en la tuant et l'observe à loisir chez lui. Et il y a l'autre qui finalement observe la fleur et dit, elle a un pied d'eau, 5 feuilles, dont une jaune, des pétales, des sépales, une corolle, un pistil, des étamines. Et selon le standard, elle devrait être cataloguée comme étant belle. Mais lui ne vit rien. Il ne peut plus vivre la fleur. Il ne peut plus boire l'onde de forme de la fleur. Il ne sait finalement même pas que la fleur existe parce qu'il a appliqué toute sa conscience à un seul niveau d'expression, l'intellectuance. Même s'il appelle cela la mentalisation, même s'il appelle cela le mental, nécessairement, il meurt. Mieux vaut être capable d'observer une fleur et de souffrir de la voir mourir parce qu'on l'a aimée que de ne plus être capable de voir de fleurs. Il vient un moment dans l'évolution de la conscience de l'homme que ce qui le nourrissait antérieurement, le canal qui le connecte au monde de la mort, s'étrangle lentement. Cet étranglement lent engendre une solitude interne, une souffrance de l'ego, une peur, une angoisse, qui lentement va se traduire dans la conscience de l'anti-homme par la cessation des désirs, la cessation de l'expression émotive, et qui va être supportée par l'anti-homme par sa phase mentale, c'est-à-dire l'intellect, où finalement l'émotion sera vécue du point de vue de l'intellect, où l'évolution ne sera vécue que du point de vue de l'intellect, où toute la relation entre lui entre les cieux, entre le ciel et entre le monde de l'homme, ne sera vécu que du point de vue de l'intellect. Et cette angoisse d'évolution amène énormément de gens au suicide. Tandis que d'autres, ne pouvant plus désirer, mais n'étant pas capables d'accomplir, deviennent stagnants, perdent leur emploi, perdent leurs amis, perdent leur femme ou leur mari, perdent la relation qu'ils ont avec les autres, et s'individualisant, se rejetant de la vie, donc se rejetant du monde, deviennent agressifs, violents, et ils ne pourront pas rien faire. Parce que l'homme, comme cette dame, Annie Besant, qui rencontre quelque chose, elle exprime émotivement la rencontre et elle perçoit dans cette génétique, dans le corps de cet enfant, la possibilité qu'un jour l'intelligence christique, donc que le Christ, puisse être exprimé par ce corps. Suite à cela, s'emparant du corps, donc de l'enfant, elle décide qu'il ne doit pas manquer son coup. Elle le décide. Et toute sa vie ne sera maintenant qu'exprimée que du point de vue de l'intellect, ce qui va faire en sorte qu'un jour, elle sera banalement rejetée par celui qu'elle aurait voulu aider. Et ce problème habite beaucoup d'entre vous. C'est un problème qui habite celle et celui qui se conscientise. Un jour, un vendredi, je monte sur la scène, je m'assois et je dis au public « Bonsoir. » 2 jours après la conférence du mois, j'ai une question, pas une question, un commentaire où c'est écrit « Vendredi dernier, vous avez dit bonsoir aux gens. Ça ne vous va pas. Vous ne devriez pas faire ça. » Et ça, c'est assez pour que je fuis très loin du travail que je fais. Lorsqu'on a comme néotype l'idée que l'intelligence s'exprime extrêmement violemment, qu'on est contacté seulement quand on est bête, quand on met de la puissance dans la voix que pour perturber l'intellect, on ne perçoit qu'un léger fragment de l'expression de l'intelligence. Parce que l'intelligence peut aussi exprimer de l'énergie pour faire vibrer l'ego, l'anti-homme, le corps vital, le corps physique. Même si, jusqu'à date, l'intelligence supramentale a été exprimée surtout de façon à faire vibrer l'intellect des gens, et l'intellect démolissait les formes dans l'ego, ce n'est pas la seule et unique expression de l'intelligence supramentale. Vous n'êtes pas obligé de copier les néotypes apportés par les premiers contactés. Un être humain peut être en totale fusion avec son double éthérique, en totale connexion avec les plans de l'intelligence, tout en restant doux, tout en restant pacifique. Lorsque l'intelligence parle d'ajustement, l'ajustement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable hypocritement de faire passer une substance énergétique sans engendrer à tout coup la souffrance. L'homme, la femme, développe trop rapidement des concepts. Des concepts qui ne vont faire que supporter son plan de l'intellect et qui vont aussi permettre de créer une séparation. Lorsque l'intelligence ou lorsque les forces intentionnelles s'expriment dans un niveau planétaire, ils s'expriment dans la matière. Lorsque la même intelligence ou la même force intentionnelle s'exprime plus haut, elle s'exprime dans l'animation de la matière, la vie. Lorsque ça s'exprime plus haut, ça s'exprime dans l'animation de la vie, l'âme. Lorsque ça s'exprime plus haut, ça s'exprime dans l'animation de l'âme, le mental. Plus haut, dans l'animation du mental, l'intelligence supramentale. Plus haut, dans l'animation du plan supramental, l'énergie bouddhique. Plus haut, dans l'animation de l'énergie bouddhique, l'intentionnabilité de cette énergie par le plan divin. Ce sont des mots. Et au-delà du plan divin, il y a les phénomènes créationnels qui échappent totalement au concept tridimensionnel des mots et de la pensée qui habitent présentement l'homme sur la planète. Autrement dit, ça ne sert à rien d'en parler parce que ce n'est pas le temps que ce soit compris. Mais lorsque l'être humain suit son cheminement d'évolution, il en arrive toujours à un point où il doit passer d'une étape à une autre. Il n'y a pas de nuance réelle entre le plan astral et le plan mental, entre le plan vital et le plan astral, ou entre le plan mental et le plan supramental. Comme il n'y a pas de différence entre 80 degrés et 81 degrés, quand le 80 devient-il 81? Tout le temps, lorsqu'il se réchauffe. Mais on ne découvre qu'il fait 81 que lorsqu'on y est rendu. Mais on était en cheminement et on ne le voyait pas. Quand est-ce, passons-nous de la phase astrale à la phase mentale? Tout le temps. Où en sommes-nous? Ah, autre question, qui n'a pas d'importance. Mais lorsque l'être humain, de par sa constitution anti-homme, égoïque, astralisée, assujetti aux forces de stagnation, c'est-à-dire aux forces d'évolution collective, ce qui, dans mon langage, porte le nom de force d'involution. Parce que l'homme en arrive à un point, pour bien connaître qu'il est dans le plan mental, il essaie d'abdiquer totalement les forces inférieures astralo-vitalo-physiques, surtout les forces astrales. Alors, si l'intelligence dans le monde astral s'exprimait par la violence, il fuira la violence. Si l'intelligence dans le monde de l'astral s'exprimait par la douceur, il fuira aussi la douceur. Alors, il voudra développer le concept mental, un néo-concept, un nouveau concept, dans lequel toutes les formes expressives du monde de la mort, l'astral, seront bannies. Mais dans l'astral, il y a l'astral infernal, l'astral satanique, l'astral violent, l'astral de guerre, l'astral sociétaire bas, l'astral sociétaire moyen, l'astral sociétaire haut ou moral, l'astral religieux bas, l'astral religieux moyen, l'astral religieux ou haut spirituel, il y aura l'astral mental, il y aura l'astral supramental, il y a aussi l'astral bouddhique et l'astral divin. Le plan divin s'exprimant dans le contexte expérientiel planétaire de l'homme, engendre dans le monde de la mort une mémoire qui porte le nom de mémoire divine. Le plan bouddhique, s'exprimant de la même façon dans le contexte planétaire évolutionnaire de l'homme, engendre une mémoire astrale qui porte le nom d'astral bouddhique. La force d'intelligence, la force de frappe des cieux, s'exprime aussi dans le plan astral. Et elle deviendra la locomotive, la motrice, qui sera l'intelligence colorée, l'intelligence émotive, l'intellectualisme, qui pourra supporter le reste de la planète. Et ces trois caractéristiques des cieux se réimpriment plus colorées en-delà de l'intellectualisme pour engendrer les forces astrales que vous connaissez. Les forces des dieux créées par l'homme et à l'image de l'homme. Les forces d'amour qui engendrent l'amour psychologique qui sont la copie conforme du plan bouddhique dans le ciel et qui est la copie conforme du plan bouddhique dans les cieux. Et une intelligence tout à fait animale qui accrédite dans l'anti-homme l'apparente intelligence, ce qu'on appelle l'égocentricité, l'orgueil de centrer tout vers soi, qui est la copie astralisée dans l'anti-homme d'une copie intellectuante dans le monde de la mort et qui est une copie supramentale des cieux. J'ai dit souvent que tout le livre sacré ne pouvait pas compter de mensonges. Par contre, toute la vérité n'y avait pas été écrite. Alors, il reste donc à l'homme de remplir les trous dans cette vérité pour engendrer une réalité vibratoire. Au lieu de cela, l'homme rejette ses clés et essaie de découvrir les clés qui vont boucher les trous. Finalement, ce que l'être humain qui se conscientise fait, il rejette la serrure au nom de la clé. À quoi sert une clé sans serrure? À rien. À quoi sert une serrure sans clé? À rien. Et c'est ce que l'humain qui se conscientise a toujours fait. Lorsque l'homme évolue, il évolue vers le plan spirituel où il s'écœure, alors il revient dans la matière. Où il s'écœure, alors il retourne dans le plan spirituel. Où il s'écœure, alors il revient dans la matière, où il s'écœure. Les deux doivent être fusionnés. Lorsqu'on a la clé, on n'a plus de serrure, alors on dit « merde ». Lorsqu'on trouve la serrure, on dit « ah, la clé », et on retourne chercher la clé. Lorsqu'on ramasse la clé, ben là, on ne trouve plus la serrure, alors on dit « merde ». Lentement, il va de soi que vous rejetez la clé de moins en moins loin, ce qui fait que plus ça va, plus vous vous rapprochez de la clé et de la serrure. Mais on doit juste mettre un peu de vin dans son eau et non pas d'eau dans son vin. Qu'est-ce qui détermine l'évolution de l'homme? Il y a des plans. Il y a des plans dans les plans. Il y a des plans dans les plans dans les plans. Bref, il y a suffisamment de mécanicité pour que l'être humain, dans une conscience nombritique, ne puisse jamais arriver à encercler et à contenir dans sa conscience le plan. Pour cela, l'homme, ne comprenant pas toute la mécanicité des plans, s'arrange pour agencer ce qu'il connaît de façon à créer une explication intellectuelle ou émotive qui pourra lui permettre de supporter sa condition d'être limité. Ceci est un processus d'ignorance lorsqu'on accrédite avec de l'orgueil au plus haut point nos conceptualisations, nos réponses. Par contre, cela est un phénomène très salutaire lorsqu'on est capable de supporter l'idée que notre idée n'est qu'une idée. Mais l'intellectualisme, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque l'homme découvre qu'un concept n'est qu'un concept et non pas la réalité, il peut avancer maintenant en parfaisant son concept. Mais lorsqu'il arrive à un plan de l'intellectuel, le concept est même moins qu'un concept. Le concept, pour lui, devient un nuage, une chose plaisante qu'on bâtit, mais que finalement, plus rien là. Autrement dit, lorsqu'une personne qui a besoin d'une béquille découvre qu'elle a une béquille, alors elle s'en sert mieux. Elle contrôle la béquille. Lorsqu'elle apprend lentement que les béquilles, ce ne sont que des béquilles, elle finit par se dire, si, j'ai une petite béquille. Puis là, maintenant, elle marche pire qu'avec sa béquille. Au nom du fait que la béquille n'est pas méritoire. Au nom du fait que le concept de perfection n'a pas de béquille. Et c'est un problème majeur dans l'évolution d'une conscience. L'intelligence supramentale est de l'astral galactique. L'intelligence supramentale est la recréation, la copie conforme dans toutes les dimensions d'une mécanicité extra-créationnelle. C'est de la mémoire, mais une mémoire qui n'est pas confinée à un déplacement tellement lent comme celui que vit notre système solaire et notre système planétaire, que sa densification lui donne un haut degré de vibration comparativement au nôtre, ce qui, par rapport à nous, nous donne l'illusion que l'énergie supramentale est hautement puissante. L'énergie supramentale n'est pas puissante, elle n'a pas de libre arbitre et elle est totalement manipulée. Elle est manipulée par le plan bouddhique. Sauf que les ordres du plan bouddhique, quoique extrêmement clairs dans le début du plan supramental, deviennent très mécaniques vers la fin du plan supramental, c'est-à-dire la partie la plus basse de ce contexte, et ce plan supramental très bas est celui qui touche les neurones de l'homme, lorsque l'homme, par le biais d'un ajusteur de pensée, entre en contact avec ce plan. Autrement dit, le premier contact que l'homme a avec le plan supramental est un contact qui ressemble exactement à celui qui mange l'emballage d'un gâteau plutôt que de manger le gâteau. Le premier palier d'intelligence supramentale qui touche l'homme est le plus bas. Il y a des nuances dans le monde de la mort. Il y a aussi des nuances de refroidissement ou de réchauffement dans le plan supramental. Le premier contact supramental que nous avons est un contact qui va omnibuler notre conscience et qui va tout faire en sorte que l'homme s'arrange pour bien s'accrocher à pleines dents dans ce monde supramental qui, de certaine façon, ne goûte pas bon. Le problème de l'homme, c'est qu'il se contente vite. Et il finira par manger que le carton autour de la boîte du gâteau, parce que finalement, le carton goûte encore mieux que ce qu'il mangeait avant. Mais il y a une chose, c'est que dans le monde de la mort, dans le ciel théologique, dans les phénomènes astraux, bien qu'il y ait à l'intérieur de cela énormément de contextes qui ne servent qu'à manipuler l'humain et qui ne servent qu'à faire en sorte qu'une résorption de mémoire, une résorption de l'univers, de la création se fasse, malgré l'homme, et malgré le fait que l'homme soit celui qui ait un jour créé ce genre de phénomène, dans le monde de la mort, il y a des copies conformes. L'orgueil de l'homme peut lui faire refuser la copie parce qu'il daignera, il voudra immédiatement toucher la réalité, et non pas la copie. Dans le monde de la mort, les copies conformes sont copies dans toutes les dimensions. Ce n'est pas comme nous le voyons normalement. Je vois un paysage, j'en prends une photo. La photo est une copie. Faut faire attention, la photo est une copie dans deux dimensions d'un paysage dans trois dimensions. Dans le monde de la mort, les copies sont dans toutes les dimensions. Alors, si je vois un paysage, lorsque je verrai sa copie, ce sera le même paysage. Il manquera quelque chose. Il manquera l'instantanéité. Il manquera donc un degré de conscience. La seule nuance qu'il manquera, c'est que la copie que j'ai, elle est artificielle, mais en trois dimensions. Alors que la réalité continue à pousser, ma copie ne change pas. C'est la seule nuance. Elle est grande. Mais celui qui n'a pas encore l'énergie pour pouvoir se rendre à la réalité et qui refuse la copie, eh bien, il se place dans un état où il devra flotter sans jamais rien comprendre, sans jamais voir ce qu'il est, sans jamais vivre ce qu'il comprend, pour le peu qu'il comprend. Bref, il devra accepter d'être tout à fait rejeté de la mécanicité évolutive pendant un laps de temps. Un laps de temps où les autres vont passer, alors que lui ne pourra se contenter que de regarder. Bien qu'il ait été l'un des premiers à avoir ce contact, il risquera fortement d'être l'un des derniers à se sortir de ce contact. Dans le monde de la mort, il y a tout ce que l'homme a besoin pour que l'homme comprenne les choses. La seule nuance, c'est que l'homme ne doit pas révérer le monde de la mort comme étant une réalité, c'est tout. Mais l'homme ne doit pas cracher sur la copie. Alors un jour, vous avez découvert que ce que vous adoriez était une copie. Et ce que l'intelligence disait, soit par l'intermédiaire de conférenciers, de livres ou par simplement votre ajusteur de pensée, ce que l'intelligence disait, c'était « ceci est une copie ». Alors vous avez continué à dire Non, non, ça se peut pas, ça se peut pas. Alors, nécessairement, l'ajusteur de pensée se devait de créer chez vous la colère, de créer chez vous l'écœurement, de créer chez vous toute une perception très supramentale d'un phénomène du monde de la mort pour que vous lâchiez prise dans votre foi aveugle d'accréditer la copie comme étant la réalité. Une fois que cela a été opéré, vous avez lâché prise. Le problème, c'est que non seulement vous avez lâché prise, mais vous avez monté dessus la copie pour l'écraser les deux pieds joints. Et par la suite, vous vous dites, bon, maintenant, une fois que toutes ces illusions sont tombées, ben, il ne reste plus rien. C'est normal. Il reste la copie. Du moins, ce qui en reste après votre passage dedans. Mais avez-vous le corps suffisamment grand pour pouvoir plonger votre tête dans un autre plan? Ou si vous n'avez de grandeur que ce qu'il faut pour percevoir les résultats ou les résidus de ce plan? Lorsque l'homme prie Dieu, il s'adresse à une entité créée par lui, à son image et à sa ressemblance, bien souvent. Mais lorsqu'une personne consciente s'adresse à des énergies intelligentes, prenons un exemple plus terre à terre. L'Église catholique romaine accepte encore qu'on place des statues dans son Église. Elle accepte que les personnes aient des petits dessins, des icônes, un paquet de petites choses qui ressemblent à de l'idolâtrie. Alors, il y a des crucifix avec un personnage ensanglanté et tout à fait martyrisé dessus. C'est normal. L'animal humain, évoluant par la souffrance, vénère la souffrance. Mais qu'est-ce que l'Église a retenu du passage du Christ? La crise de croix. Tout le reste, pas important. Lorsqu'on va détruire l'idée de la croix, les chrétiens vont détruire le Christ au complet. Encore une fois, ils font fausse route. Adorer une statue veut dire vénérer la statue comme étant une réalité. Cela veut dire que vous pensez que c'est la statue qui vous fait vivre, que c'est la statue qui fait pleuvoir, que c'est la statue qui engendre les guerres ou l'amour. Melchisédek, expliquant un phénomène à Abraham et finalement à Moïse, va lui faire comprendre que l'idolâtrie est une connerie. La majorité des êtres humains vont maudire la statue. Le problème, c'est que maintenant, tu peux prendre la statue et adorer ce qu'elle représente. Pas la statue, ce qu'elle représente. Et c'est ce que beaucoup de religions font aujourd'hui. Ils ne sont pas idolâtres, ils n'adorent pas la statue, le plâtre ou la pierre. Ils adorent ce qu'elle représente. Et adorant ce qu'elle représentait, la religion ou l'évolution émotivo-théologico-universelle de l'homme a pris une autre tangente, beaucoup plus grande. Mais parce qu'à un moment donné, vous comprenez que ce qu'elle représente est finalement comme une statue, mais à un plan plus grand, on fait l'erreur. La personne, elle adorait sa statue, le plâtre, la pierre, le bois. Et elle pensait que c'était ça qui accomplissait. Alors, lorsqu'elle découvre que c'est pas ça, que c'est rien qu'une copie, eh bien, elle brûle la statue. Elle détruit ses statues. Et finalement, elle se retrouve chez elle. Et là, elle veut entrer en contact avec la réalité, ce que la statue représentait. Et puis, elle n'est pas capable. Tandis que le plus sage, qui a dit, « Ah, bien, ça a de l'allure, c'est vrai, c'est pas le plâtre, c'est pas la pierre, c'est pas le bois. C'est ce que ça représente. » Alors, il prend sa statue, il la met sur un autel, il regarde la statue, et là, il se met à adorer ce qu'elle représente. Et la statue va servir de médium. Mais celui qui l'aura détruit, sa béquille. Il va tourner en rond. Et il va se vautrer dans la matière. Et finalement, il va retourner à l'église ou voir ses prêtres qui vont leur expliquer simplement. Non, la statue, si elle tombe puis elle casse, c'est pas grave. C'est pas Dieu qui est mort. OK? On en fera un autre. Par contre, ça peut être intéressant comme technique religieuse pour te relier à Dieu que tu aies une idée qui va, en l'observant, concentrer tout ton phénomène affectif vers ce qu'elle représente. Et ça servira de médium pour te faciliter la tâche. À travers les millions d'années qui ont suivi, l'homme, dans le début, comprenait, mais il n'avait pas le corps physique et la conscience neuronique suffisamment orchestrables par l'intelligence pour comprendre plus, mais il comprenait mieux. Alors, il a adoré ce que représentait la statue. De la religion matérielle, on est passé à la religion astrale, spirituelle. Mais dans le monde de la mort, ce que l'humain adore souvent est aussi une copie. Une copie dans d'autres plans. Une copie, la statue est une copie en trois dimensions. Mais dans le monde de la mort, la copie peut vous aimer. La copie peut vous haïr. La copie peut vous aider. La copie peut vous nuire. Cette copie dans le monde de la mort est le plus de dimensions que la simple copie matérielle, la statue, qui avait trois dimensions, une hauteur, une largeur et une profondeur. Lorsqu'à un moment donné, après avoir prié ce que représentait la statue, quand je dis prier, le terme veut dire supplier, c'est supplier que l'être humain a fait souvent. Lorsque, après avoir fait cela, l'humain se rend compte encore une fois que cette statue ou que ce que ça représente n'est qu'une copie, plus perfectionnée, mais encore une copie. Qu'est-ce que Moïse a dû faire lorsqu'il est redescendu, lorsque finalement il a rencontré la gang qui adorait la statue? Eh bien, il a brisé la statue. On appelle cela dans les phénomènes évolutifs briser des formes. Il a brisé une forme, il a brisé la statue. Et là, il s'est passé dans le cœur de ceux des fidèles qui adoraient la statue une atroce révélation de vérité. Ce que, bien souvent, vous avez connu dans le début de votre conscientisation vers le plan supramental, un atroce doute, une souffrance qui faisait que là, on voyait que tu t'étais fait fourrer tout le temps. Et avec cette puissance de doute, de souffrance, facilement, ces hommes, ainsi que vous dans la majorité des cas, vous avez abandonné l'idolâtrie ou la spiritualité où on adore la copie dans une multiple dimension. Mais le problème, c'est qu'en refusant la chose, bien des gens ont été trop rejetés loin. Et ils perdent des clés pour fonctionner, pour travailler. Lentement, les choses se sont calmées. Nous sommes présentement en 1988, depuis une vingtaine d'années, dans une crise d'évolution, une adolescence de l'humanité. Similaire à ce qui s'est passé lorsque l'être humain est passé de l'idolâtrie à la conscience théologique, unitaire, divine, dans le monde de la mort. Lorsque les conférenciers qui sont en contact avec l'intelligence supramentale parlent, ils essaient de briser les statues dans le cœur et dans la conscience de l'homme. Les statues qui sont des copies et qui finalement ont remplacé la réalité pour ceux qui évoluaient. Alors, la première chose à faire est de briser des formes, briser les statues, briser le concept très, très, très ancré que le Dieu dans le ciel est la finalité évolutionnaire, que ces dieux se foutent autant de l'homme que Satan, finalement. Alors, lorsque l'être humain découvre la manipulation, lorsque l'être humain découvre que finalement, il n'a pas de libre arbitre, lorsque l'être humain découvre que l'amour psychologique, disons, instruite par ses copies, par ses dieux du monde de la mort, sont des conneries, lorsque l'être humain découvre plusieurs choses, qu'est-ce qu'il fait? Il brise ses statues chez lui. Et c'est bon. Pour qu'il se coupe de, non pas de la copie, mais de l'accréditation en tant que réalité de la copie. Et c'est cela qui doit être brisé. Autrement dit, c'est votre conscience s'arrêtait à un moment donné à la copie céleste de l'intelligence intentionnelle extra-créationnelle. Elle s'arrêtait là, la conscience. Le problème, c'est la conscience, c'est pas la copie. Mais la conscience s'arrêtait là. Alors, lorsque nous disons la conscience va plus haut, la conscience ne peut pas. Alors, on doit s'arranger pour miner, placer des mines et faire sauter la copie. Alors, la conscience, elle est ébranlée. Et la conscience, maintenant, elle ne veut pas descendre, elle est prise plus bas. Alors, lentement, elle va s'accrocher à des néotypes, le phénomène supramental, où elle va pouvoir rebâtir quelque chose d'autre. Mais le problème, dans la grande majorité de l'évolution de celui qui se conscientise, c'est qu'il n'a pas la faculté de créer, de recréer une copie plus adaptée, plus pure, plus parfaite de la réalité. Et n'ayant pas la possibilité de le faire lui-même, il vibrera entre l'ancienne copie et les bribes de concepts et il essaiera d'amalgamer. en amalgamant croche, il se magane lui-même. Dans le monde de la mort, il y a toutes les copies nécessaires pour que l'humain évolue jusqu'à la conscience totale, la conscience universelle, la conscience finalitaire, la conscience globale. Nécessairement, l'homme, à travers la perception de ses copies, ne devra pas s'arrêter aux copies, mais il devra garder dans la conscience que ce sont des copies. Ce que je veux dire, je veux simplement dire que un être humain spirituel qui prie quotidiennement, chaque jour, chaque soir, a une évolution beaucoup plus facile que celui qui ne prie pas. Pour la simple raison que, dans la majorité des cas de ceux qui se conscientisent, n'ayant plus de copies conformes pour reconnaître le chemin, ils se frappent sur tous les murs, ils se repoussent l'un l'autre, et ils repoussent la vie et l'humanité. Tandis que celui qui vit d'une évolution très spirituelle et qui vénère la copie, c'est une erreur cosmique de vénérer la copie, mais c'est une encore plus grande erreur que de refuser les copies. Vous devez accepter une copie comme étant une copie. Alors que celui qui a une conscience un peu plus basse accepte la copie comme étant une réalité. Et c'est juste là la nuance. La nuance, c'est la conscience de vision. Une personne est malade, elle se conscientise supramentalement, elle a rejeté toutes les copies d'un astral théologique collectif, et elle attrape le cancer. C'est un symptôme du contact supramental bien souvent que d'être malade. Alors, je vais la rencontrer, je lui dis, je connais une personne qui peut te guérir en 3 séances. Ça ne te coûtera pas d'argent, mais tu risques de quand même refuser. Alors, la personne qui se conscientise, voyant l'intelligence d'être en santé, va dire, ah ben non, qu'est-ce que je veux guérir? Je lui dis, oui, mais je ne suis pas sûr que tu veux le guérir. Du moins, pas assez. Alors, elle m'astine. D'accord, mais ça va te coûter cher, mais pas en argent. Alors, la personne, là, il a peur. Elle dit, bon, en tout cas, je vais y penser. Elle va penser à quoi? À rien, parce qu'elle n'a même pas de data pour penser. Elle va penser à savoir si il va ou ça y va pas, mais finalement, c'est ridicule. Alors, elle accepte de venir, elle vient avec moi et je l'amène quelque part à Montréal et je la présente à un bonhomme. Le bonhomme, c'est un Ukrainien. C'est un pope. Il a un gros chapeau et il adore une religion style catholique, chrétienne, disons, particulière. Et il a une espèce de petit temple. Alors, pour entrer là, il faut ôter nos souliers et nos bas. Alors, quand je l'amène là, ben là, il me regarde en disant, « Hey, ciboire, franchement, il peut te guérir. » Fait que ôte tes souliers puis ôte tes bas. Là, tu es plus sûr que tu as le cancer. Alors, il ôte ses souliers, il ôte ses bas, et il vient. Alors, la personne, elle lui dit, bon, alors tu te places à genoux ici, là-dessus. Fait que l'autre, il s'en va-tu? Fait que je dis, là, tu te mets à genoux. Il va te guérir. Il se met à genoux lentement, et là, notre pauvre commence à mettre ses grandes cossins, puis là, il sort son huile bénite, puis il vient pour faire une croix dans le front de l'autre, puis l'autre, il recule comme si Satan l'avait approché. Et puis là, il va simplement me répondre, tu sais, ces niaiseries-là, là, je sais, peut-être tu capotes, là, mais en tout cas, moi, personnellement, ces niaiseries-là, je ne crois pas à ça. Fait qu'il remet ses bas, ses souliers, puis il s'en va. Mieux vaut être cancérigène et cancéreux que d'être guéri par un dieu spirituel, n'est-ce pas? C'est plus évolutionnaire. C'est plus méritoire. Au moins, t'es resté plugué au plan supramental. T'es malade. Mais me faire guérir par un dieu spirituel, on n'en est pas là. On est au-delà de tout ça, nous autres. C'est comme être raciste. T'es en train de mourir, je connais un médecin. C'est un noir. Mieux vaut mourir que se faire toucher par un noir, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident. Alors, le gros problème, il est là. L'intelligence divine a engendré une copie conforme dans la création. Elle s'appelle plan divin. Le mot fait vibrer croche ou bien certaines gens. Ça n'a rien à voir avec les dieux du monde de la mort. Dans le sens de la conscience, dans le sens de la puissance, dans le sens de la liberté. Mais si on veut connaître le plan bouddhique, on a juste à connaître sa copie conforme dans le monde de la mort, les hautes sphères spirituelles, et là, on connaîtra ce que c'est. Mais les hautes sphères spirituelles n'auront pas la puissance du plan divin, mais vous en connaîtrez la couleur et la saveur. Je donnais un cours dernièrement et j'expliquais aux gens que je vais trouver un livre génial qui répond à toutes vos questions. Et dedans, le livre, on parle d'énergie supramentale, on parle de ces choses-là, d'intelligence. Moi, je change tous les mots supramental et intelligence par le mot Dieu. Et je vous donne le livre, vous allez l'ouvrir. Dieu, blablabla, je suis bon. Poubelle. Je prends la Bible et je change tous les mots Dieu, Yahvé, Jéhovah par intelligence, énergie supramentale, des choses comme ça. Je change la couverture, je mets du papier plus épais parce que c'est trop mince, vous allez le reconnaître. Et je vous donne ce livre-là. Vous allez le lire et vous allez le boire. Vous allez découvrir là-dedans mais des choses que vous n'arriviez pas à comprendre. Vous allez apprendre et connaître. Et finalement, vous allez même arriver à savoir. Mais il y a un problème. C'est que dans les Bibles, on parle de Dieu. Puis dans les livres où on parle d'intelligence supramentale, eh bien, on n'a pas encore suffisamment d'expérience de l'Écriture pour tout donner. La Bible, elle a quelques milliers d'années d'expérience contenue dedans. Tandis que les nouveaux livres supramentaux ont quelques années d'expérience contenue dedans. Une grande partie de l'énergie supramentale est perdue dans la création de mots nouveaux. Parce que les intellectuels qui se conscientisent, vomissant et rejetant, comme par allergie, les vieux mots, ont l'énergie supramentale de donc passer énormément de temps et d'énergie à engendrer des néotypes, de nouveaux mots, pour que les personnes, finalement, les acceptent. Alors, je disais dernièrement dans ce cours que pendant que vous mangez du porc, ceux que vous haïssez parce qu'ils mangent du cochon, mange du cochon. Mais le problème, c'est que vous allez manger du porc quand même. Vous avez appelé ça porc parce que vous autres, vous ne voulez plus manger de cochon. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que de manger de cette viande. Mais c'est du porc. Eux autres, c'est du cochon. Le problème, c'est que les lois qui régissent le cochon, vous allez aussi les fuir. La première loi qui régit le cochon, bien le faire cuire. Et vous n'en serez pas malade. Nous, on mange du porc, fait qu'on le mange cru. Puis on est tous malades. Pas être malade physiquement, malade dans l'état de conscience, malade dans la sécurité, malade dans la certitude, malade dans ce que l'on veut faire, malade dans le but dans la vie, malade dans l'empêchement de travailler ensemble, malade dans la relation affective, malade parce que rejetant l'émotion, on rejette le sentiment qui le crée. Et eux autres n'ont pas assez de conscience. Ils mangent du cochon, mais ils n'ont pas beaucoup de conscience. Mais leur peu de conscience leur permet d'accepter et d'exprimer dans la matière les copies des lois dans la copie conforme qu'eux autres vont appeler comme ils voudront appeler. Alors, ils se mettent à genoux et supplient. Se mettre à genoux, c'est l'ego qui se met à genoux. L'ego s'identifiant au corps, c'est le corps qui se met à genoux. Ça devient mécanique chez eux. Ça devient collectif chez eux, c'est vrai. Mais dans leur niveau d'évolution, c'est essentiel. Ils se suicideraient tous. Mais lorsqu'à un moment donné, on se rend compte que ce à quoi ils s'adressent et qu'ils vénèrent comme étant une réalité est une copie. Eh bien, maintenant, on a une clé pour fonctionner. Mais si on décide, maintenant qu'on a découvert que le trou par lequel passait la lumière et qu'on croyait être la fin et la solution n'est que le trou de la serrure, puis que tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre la clé dedans, ouvrir pour ouvrir la porte, puis que la porte n'est pas l'extérieur, mais n'est qu'une porte, et qu'on doit maintenant sortir pour être à l'extérieur de la création, bien lorsque l'on découvre que ce qu'on pensait, vu qu'on avait une conscience limitée, ce qu'on voyait de lumière, on pensait que c'était l'extérieur, lorsqu'on découvre que finalement, c'est juste le trou de la serrure, eh bien, on maudit la serrure, on maudit la porte, puis on cherche ailleurs. Pendant ce temps-là, bien, les spiritualistes, eux autres, travaillent autour du trou de la serrure. Oh, ils ne pourront pas ouvrir la porte telle qu'elle. Mais s'ils sont patients, ils grandiront devant le trou de la serrure et lorsqu'ils seront suffisamment grands, ils vont ouvrir la porte pour vous permettre de passer. Alors que si on a une conscience anégoïque, humble, si on est capable de voir qu'une copie est un outil et non pas un ennemi, la copie est l'ennemi de l'homme tant que l'homme se met à genoux devant la copie. Quand je dis à genoux, je ne parle pas de l'ego. L'ego, il se mettra à genoux à plat ventre, il rendra ses pieds sous terre, je m'en fous. Mais lorsque l'homme, lorsque l'intelligence dans l'homme, lorsque ce qui fait que l'ego a de la valeur, lorsque l'homme se met à genoux devant une copie, il mérite, s'il a un peu de conscience, un coup de pied au cul. S'il n'a pas assez de conscience, il mérite qu'on le laisse faire et qu'on le respecte. Il est à ce niveau. Lorsque les personnes qui se conscientisent continuent à se mettre en tant qu'être humain à genoux devant une copie, là, ils méritent le fouet. Le fouet oral, le fouet verbal, le fouet événementiel. Ils méritent quelque chose pour se réveiller. Mais lorsqu'ils se sont réveillés et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient humainement, que l'être, que l'entité, les simples qui mangent du cochon vont dire, lorsque le Dieu qui vous habite s'est mis à genoux devant la copie, ce n'est pas correct. Et plus il y aura d'énergie divine ou d'intelligence ou d'intentionnalité qui va vous habiter, moins vous devrez vous mettre à genoux devant les copies. Mais faites attention, rejetez la copie, parce que la copie n'est pas la réalité. Une chose à la fois. Vous avez été aveugle, vous êtes entré dans un ashram, on vous a enfermé dans un petit cube de pierre et vous avez passé 40 ans dedans à méditer, à réfléchir, à essayer de connaître l'inconnaissable, à essayer de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible. Vous avez resté là-dedans. Et là, c'est le temps qu'on vous en sorte. Alors, on perce un tout petit trou dans le toit, tout petit, infime, à la tombée de la nuit. Et là, à peine la lumière des étoiles pénètre par le trou. Et lentement, on va agrandir juste un peu le trou, juste un peu pour qu'un peu de lumière. 40 ans, vous n'avez pas vu de lumière. Vos yeux vont être brûlés si on en laisse passer le moindrement trou. Alors, on ouvre lentement. Et là, vous commencez à voir la lumière. Mais si vous maudissez la cellule le moindrement, vous allez dire, « Ah, mais je pensais que j'étais dans la lumière, mais tabarnouche! » Puis là, vous défoncez le mur. C'est fini. Et le travail des copies, c'est la même chose. Ouvrir. Vous allez avoir un aperçu du soleil. Un aperçu très ombragé, très diffus. Mais ce n'est pas une raison pour maudire tout. Il y a des lois dans le monde de la mort, il y a des mécanicités qui sont là pour l'homme et que l'homme a placé là avant même de devenir terrestrifié, avant de devenir ce qu'on appelle un terrien. Chaque plan est une copie conforme et à travers chaque plan, il y a la copie conforme des autres plans. La statue, on devait l'adorer. Et on devait penser que la statue créait des choses, que la montagne créait des choses, montagne sacrée, sacrée des choses. Mais finalement, on découvre que la montagne est un symbole. Elle représente quelque chose. Et si on maudit le symbole, on maudit aussi ce qui nous relie à la chose. Lorsqu'on devient assez grand par le symbole et qu'on arrive à entrer en contact avec la chose sans le symbole, on n'en a plus besoin. On le laisse être. Ceux qui en veulent le prennent, mais nous, on n'en a plus besoin. Mais lorsqu'on n'en a plus besoin et qu'on rentre en contact avec la chose et qu'on découvre que finalement la chose, dans le monde de la mort, est aussi un symbole, une copie conforme, on devient irrité. Croyant que la matière était la chose, on découvre que c'est faux. Alors on adore le Dieu. Et croyant que le Dieu est la chose, on découvre que c'est faux. Ah ben là, on ne peut rien savoir. La copie, elle est là pour servir l'homme. La copie, elle est là pour servir tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Lorsqu'un être humain est trop bas, elle le sert à son niveau et on va dire, elle la sert. Elle va donc la servir. Lorsque l'humain monte et découvre que la copie est une copie, maintenant, elle ne va plus le servir, elle devra le servir. Savez-vous combien de forces du monde de la mort essaient de vous servir? Et chaque fois qu'ils s'approchent de vous, vous leur crachez au visage. Bon, encore énormément de forces tiennent à vous asservir. Le monde de la mort est extrêmement peuplé d'entités, de formes énergétiques, de mémoires qui tiennent absolument à vous récupérer. Et l'un des travaux de ces récupérations est de vous faire suffisamment chier. Parce que lorsque vous aurez suffisamment souffert contre ces forces, vous refuserez même celles qui peuvent vous aider. Et refusant celles qui peuvent vous aider, vous risquez de retomber plus facilement. Le diable, c'est un ennemi. Lorsque le diable est notre esclave, il n'est plus un ennemi. Vous êtes dans une maison. Et dans la maison, il y a des êtres humains qui vous tapent dessus, qui vous font faire des choses. Mais ces êtres humains-là sont plus grands que vous. Ce sont les seuls capables d'ouvrir la ventilation, d'allumer les lumières, de tuer les araignées au plafond. Ce sont les seuls capables de pousser un bureau. Ils sont plus forts que vous. Et ils vous bousculent. Et ils vous font faire les petites tâches idiotes. Mais vous grandissez. Et à un moment donné, une fois suffisamment grand, vous allez décider que tous ces bonhommes-là au complet, vous les refusez dans votre vie. Les refusant dans votre vie, vous allez ouvrir une porte et les jeter dehors. Sinon, vous allez les écraser, les enfermer dans une cave. Et qu'est-ce qui arrive après? Il arrive que vous devez ouvrir la ventilation, vous devrez vous occuper des lumières, vous devrez vous occuper des bureaux, vous devrez vous occuper non seulement des petites tâches que vous faisiez avant, mais maintenant de toutes celles qu'eux faisaient pour vous. Au lieu de les enfermer ou de les rejeter, si on en devient le maître, ils feront toutes les tâches qu'ils faisaient et celles que nous faisions. Et là, on a une liberté. Mais lorsque, à travers notre conscientisation évolutive, on refuse même ceux qui pourraient travailler avec nous pour nous, dans le monde de la mort comme dans le monde de la matière, on se limite grandement. Il y a, dans le monde astral, des entités extrêmement infernales, des entités extrêmement involutives. Il y a là toute la mémoire de stagnation, la mémoire qui permet aux archanges de pouvoir contrôler l'évolution collective des masses, appelée troupeau, par ce plan d'évolution. Et on envoie donc un berger pour diriger les troupeaux. Cela peut et cherche à récupérer celui qui se conscientise. Il y a la manipulation arimanienne, le plaisir de la luxure, de la matière. Il y a d'autres formes de manipulation, l'anti-homme, qui lui fait tout pour empêcher l'intelligence d'être exprimée. L'intelligence, l'amour et l'intentionnalité. L'intelligence, le plan bouddhique et le plan divin. Le plan supramental, le plan bouddhique et le plan divin. On doit évidemment être alerte et attentif. Mais l'antihomme, c'est de l'énergie. L'antihomme, c'est un fruit. Un fruit que vous avez transporté avec vous depuis que vous êtes au monde, avec l'interdiction absolue de le manger. Alors, vous avez découvert, finalement, que ce maudit fruit, avec l'interdiction de le manger, n'était qu'un poids de plus à transporter. Alors, vous avez décidé de le rejeter. Une grande partie de l'antihomme devra être digérée par vous. C'est-à-dire que vous devrez manger ce qui est comestible de ce fruit et rejeter la plure et le cœur. Il se rejettera lui-même, quand ce sera le temps. Mais tant que l'homme veut le rejeter, l'homme crée ce qu'il faut pour que l'antihomme reste collé. L'évolution, ça se doit d'être facile. L'évolution, c'est aussi très facile. On doit devenir des maîtres. Maîtres de son monde. Être son seul maître. Mais pas devenir de plus en plus esclave des choses. Avant, j'étais le serviteur du ciel. Pendant un laps de temps, je me suis banni du ciel pour ne plus être le serviteur du ciel. Mais un jour, je devrais revenir dans le ciel et être le maître du ciel, de mon ciel, de mon monde. Sauf que l'humain qui se conscientise passe par une phase relativement longue où il se rejette de son ciel et où il veut, à partir de l'extra-ciel, le plan mental ou le plan supramental bas, contrôler le corps vital, le corps physique. Le plan astral chez l'homme, l'âme, par l'intermédiaire d'un séraphin chérubinique, contrôle le système endocrinien et l'évolution du corps. Le corps est ce qui contrôle l'expression de l'intelligence parce que c'est la seule mécanicité biologique, matérielle, qui peut supporter l'intelligence tout en l'exprimant. Lorsque le plan astral est banni, je dis banni, c'est-à-dire fui par la conscience mentale qui naît chez vous, eh bien le mental essaie de contrôler le plan vital en passant, en outrepassant le plan astral. Et nécessairement, il y aura un problème. Il y a quelques années, j'ai déjà expliqué cette problématique. Où vous êtes bâti par des archétypes, une partie homme, une partie anti-homme, une partie, disons, yavique et satanique. La première chose contre laquelle le conscientisé lutte chez lui, c'est ce qu'il appelle Dieu. Et lorsqu'il a détruit toute cette phénoménologie de Dieu, lorsqu'il l'a rejeté, Mais il vient comme plus violent, plus agressif. Oui, toute la partie satanique, ça, il n'y a jamais pensé. Et qu'est-ce qui contrôlait la misère chez vous avant? La partie divine. Même si c'est la copie de la copie. Et démolissant ça, eh bien, on laisse germer chez nous d'autres maudits problèmes qu'avant on ne connaissait pas, pour la simple raison qu'au lieu de travailler sur l'ensemble, on a banni une partie qui contrôlait une partie. Une partie plus basse. On fait une pause. Vous avez des questions, des commentaires, vous les amenez. Et puis on revient.